Il s'agit du flow de cast. Ça pue ta mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir. Vous aimez la Dark Beauty? Ok, stop, stop, ok, ok, personne n'y croit, très bien. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, un Floodcast forcément un petit peu chelou, un Floodcast en plein confinement, un Floodcast que je vais faire sans Adrien Méniel qui malheureusement lui aussi est confiné de son côté, mais un Floodcast où bah, je voulais quand même que ce Floodcast existe parce que je me dis effectivement, bah, là vous, peut-être vous vous faites chier donc ce serait vraiment con de ne pas sortir un truc à écouter, mais un Floodcast que je peux, enfin voilà, je peux pas faire un Floodcast normal comme si de rien n'était. Dans cette situation. Alors, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et je me suis dit que j'allais essayer d'appeler des gens, essayer d'organiser des discussions, mais avec des gens que j'appelle pas souvent. Des gens, alors déjà, des proches. Il y a ma compagne qui va arriver, parce que pour le coup, elle est présente, donc elle va venir parler un petit peu pour qu'on parle un peu comment ça se fait, comment ça se passe quand on est confiné en couple. Peut-être qu'en discutant, ça fera écho chez certaines personnes. On va appeler ma maman pour prendre un peu des nouvelles, parce que je le fais jamais, donc autant le faire quand il y a une pandémie mondiale. Et aussi quelques experts qui viendront discuter. On va essayer de faire un podcast, on va essayer de s'amuser. Mais tout d'abord, je vais appeler ma maman. Alors, ma maman que je n'appelle absolument jamais d'habitude, pour des raisons évidentes de « je suis un mauvais fils », cela dit, là, c'est peut-être le moment, donc ça, nous allons l'appeler pour prendre un peu des nouvelles. Deuxième sonnerie. Après, là, j'appelle un mardi soir, donc elle est peut-être devant Pékin Express, ou peut-être qu'elle ne m'aime pas. Oui, mon petit cœur. Oui, maman, comment ça va ? Bah, ça va, et toi ? Ça va, bah écoute, j'appelais pour prendre des nouvelles, voilà, savoir comment tu allais. Ça va bien. Je suis mon confinement à la lettre. Je suis trop bien dans ma maison. Tu n'as pas envie de sortir ? Non, pas du tout, non. Non. Pourquoi ? Tu voulais m'inviter ? Non. non, je voulais juste savoir comment ça allait. Ça va très bien. Écoute, je me recentre. C'est parfait, tout va bien. Et toi, mon petit cœur ? C'est-à-dire que tu te recentres, tu fais de la méditation ? Je médite, je bouquine, je fais des cafés avec mes amis, on fait des petits cafés virtuels. Ah oui, des cafés virtuels, parce que normalement vous êtes censé rester en confinement, vous êtes censé ne pas parler, ne pas vous voir. Tu me prends pour une débile en fait, on est d'accord. Non, pas du tout. Mais si, tu me prends pour une débile. si, j'entends à ta voix que tu me prends pour une débile. Mais pas du tout. Ah, eh bien, ma maman a raccroché. Ce n'est pas grave, je passe de la femme de ma vie à la deuxième femme de ma vie. Je suis avec Clara Le Sage. Ça va, Clara ? Oui, ça va. Je t'ai pas fait d'intro ? Aucune, rien. T'as peur ? Je sais même pas de quoi on va parler. Ben non, moi non plus. Non, en gros, c'était juste pour parler de... Bah, parce qu'en fait, nous, on est confinés à deux, du coup. Ouais. Toi et moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme les années chiens, c'est que ça va être multiplié par 7 en termes de ce qu'on a vécu, en termes de durée de vie à deux, tu trouves pas ? C'est un test. C'est un vrai, vrai test de confinement pour tous les couples. Mais ça va, on s'en sort bien. Pour l'instant, on s'en sort bien, ouais. Alors, ton bureau nous sauve un peu. Oui, j'ai un bureau dans lequel je travaille et dans lequel je m'isole. Et c'est ce qui fait que, du coup, des fois, je peux travailler. Et toi, tu peux regarder Buffy contre les vampires. Je suis en train de regarder tous les Buffy. Et en fait, on avait oublié que dans chaque saison, il y a autant d'épisodes. Et du coup, j'ai juste envie de sortir le soir pour faire une patrouille avec mon pieu. Oui, mais ça ne rentre pas dans les trucs de Macron, de l'autorisation, il n'y a pas. De faire des patrouilles ? De patrouilles pour tuer des vampires ? Oui. Non, ça ne rentre pas dans le délire, je crois. Je suis un peu triste. Peut-être truc sportif, peut-être, mais c'est tout. Je pense que ça rentre que là-dedans. C'est saison quoi, là ? Saison 2 ? C'est la saison 2, c'est quand Angèle il va devenir méchant et qu'elle va devoir le tuer. Allez, le spoiler, ça va le spoiler ? Oui, bah, le spoiler, au bout d'un moment, va falloir se mettre à jour. T'insultes les gens. J'insulte vraiment tous les gens. Non, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant d'en parler. En plus, toi, alors, soit c'est assez terrible, Clara, et là je parle à l'invité, je ne parle pas à ma compagne. C'est-à-dire que tu es quand même. T'es parti 3 semaines en vacances au Pérou. Oui. Et tu es rentré jeudi ? Vendredi ? Je suis rentré vendredi. Et en gros, bon, moi, vu que je suis un peu un nerd du confinement, j'étais déjà un peu genre, faut pas sortir de la maison. Mais le confinement que Macron a annoncé, c'était le lundi, c'est ça ? Ouais, exactement. Mais en vrai, on n'avait pas bougé le week-end non plus. Hein. Mais il disait, enfin, ça sentait pas vraiment très bon. Ça, on disait déjà un petit peu que c'était le confinement. Les bars étaient fermés samedi déjà. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc du coup, on a été confinés dès le lendemain. Comment on vit le fait de n'avoir vu personne à part ton mec et ton chat depuis un mois, ça va très bien. Parce que oui, alors il y a non seulement ça, et il y a le fait que, parce que toi, t'as fait le Pérou avec une de tes meilleures potes, t'as fait le Pérou en mode warrior, à savoir t'as dormi dans la forêt amazonienne quand même, faut le dire. Et du coup, de grands espaces, un espace peut-être un peu plus petit. Comment tu l'as vécu ce truc-là ? Bah, j'avais vraiment du coup, je suis partie donc faire un trek de 4 jours dans la forêt amazonienne. Et du coup, sans téléphone, sans eau chaude, avec de l'électricité très limitée. Et j'ai vraiment eu un espèce de truc, de, comme tout le monde, je pense, de on a une belle planète et il faut en prendre soin. Et elle nous offre plein de belles choses. Et c'est un peu fou tout ce qu'on a pu voir en termes d'animaux ou de paysages. Et du coup, le retour était d'une violence pour moi, parce que du coup, dès la fin du trek, en fait, on est parti tout de suite. On a pris un avion pour Lima et le soir même, on repartait à Paris. Et en fait, on a fait une escale à Montréal. Et déjà, Montréal, on ne se sentait pas du tout la bienvenue en tant que Français, parce que du coup, ils étaient hyper en flip. Et nous, on était un peu... on avait des messages de nos familles et moi, du coup, de Flo. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous êtes parti en vacances, c'était un virus au Japon qui n'avait pas tué encore tant de gens que ça quand vous êtes parti. Ouais, c'est ça. Trois semaines. Ça ne concernait pas du voilà, tout. Voilà, c'est ça, en c'était loin, quoi. C'était... Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait vraiment un truc de ça commençait à arriver en Italie, on était au Pérou et tout, et du coup, les gens commençaient à paniquer, il y avait des choses qui commençaient à être annulées, on avait des échos comme quoi le marathon de Paris allait annuler, enfin les gros événements, plus le droit d'être à plus de 1000, etc. etc. Ouais. Donc, et ma pote a commencé un petit peu à angoisser parce qu'elle partait sur une croisière, le MCS, l'espèce de paquebot gigantesque. Elle est en train de faire en ce moment, d'ailleurs, on l'embrasse. Où elle fait les côtes italiennes, directement. Donc voilà, elle a commencé un petit peu à stresser et tout. Et en fait, moi, j'avais que Flo au téléphone qui me rassurait, qui me disait « Mais c'est qu'une grosse grippe. » Non, alors oui, attends, non, oui. Non, non, merci de dire aux gens que je suis même climato-sceptique et peut-être même un peu raciste sur les bords. Non, j'essayais de te rassurer parce que... On meurt encore du sida, qui me dit. Non, j'essayais de te rassurer parce que t'étais loin et c'est horrible de pas être au courant de ce qui se passe dans ton pays quand t'es loin, parce que tout est multiplié par 4. Ah non, mais c'est vrai sûr. Que même quand il y a eu le début du coronavirus en France et que déjà il y avait les distances de sécurité, enfin en tout cas de respecter les autres et tout, quand t'es dedans, c'est moins grave, je pense, que quand tu en entends parler. Quand ils ont commencé à dire ceci va être annulé, cela va être annulé, on n'était pas en méga... Alors moi déjà, de base, je suis pas d'une... Même là, on est confiné et en vrai, je suis assez... t'es serein. Oui, moi ça va, tu vois, je suis né pour être confiné, donc ça va. Mais c'est vrai que j'essayais juste de te rassurer, mais il est clair que je savais que c'était pas qu'une grosse grippe, t'es gentil. Non, mais je dis ça parce que c'était vraiment... Ça commençait à être un peu le début. Effectivement, tu me rassurais parce que du coup, j'avais ma pote avec moi qui, elle, était en flip. Ouais. Donc moi, ça ne m'aidait pas, j'étais loin de tout le monde, j'étais en décalage horaire, il y avait ma famille... mon père et mon frère sont asthmatiques. Enfin, du coup, il y avait tout un espèce de truc de genre, je devrais être avec ma famille et je suis trop loin. Et je voulais pas aussi que ça me mette dans un mood nul pour la fin de mes vacances. Donc, du coup, t'étais trop bien là-dessus. Mmh. Tu m'as hyper rassurée sur plein de choses et tout. Mais donc, du coup, le trek qui fait que du coup, j'avais plus mon téléphone pendant 4 jours. Le retour juste après. Le Canada où voilà, on n'est pas du tout bien accueillis. Oui, parce que dans l'histoire un peu du virus, c'était genre d'abord l'Asie, ensuite l'Europe et après l'Amérique. Donc les Américains nous regardent un peu genre d'abord Trump a annulé les vols qui venaient d'Europe. Ouais, en mode rester chez vous vraiment voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, t'es vraiment pas bien accueilli. Mais t'as eu de la chance, t'es rentré avant que ça devienne vraiment la merde. C'est ça. Moi du coup, et alors le truc qui est un peu fou, c'est que en revenant à l'aéroport à Charles de Gaulle, on s'est vraiment attendu. Je sais pas si c'est français. On s'est attendu. Ouais. Vous attendiez à... Ouais, on s'attendait, avec Annabelle, à ce que ce soit genre l'enfer en mode contrôle, thermomètre, interrogatoire. Dans le cul, non, peut-être pas dans le cul, mais un espèce... Enfin, on était vraiment en train de se dire genre, meuf, quand on va rentrer, ça va être 28 jours plus tard avec des bâches où les gens sont en blouse et ça va être l'enfer. Et on est arrivé... Donc, qui est quand même, on n'est pas arrivé à Orly, on est arrivé à Roissy, quoi, qui est quand même l'aéroport de Paris. Et du coup, il y avait vraiment un. On a pris nos bagages, on est sorti de l'aéroport, mais c'était genre un supermarché, quoi. Il n'y avait personne dans l'aéroport. Il n'y avait personne. Ouais. Il y avait un vieux prospectus à la douane en mode genre coronavirus, lavez-vous les mains, basta. Et du coup, on a vraiment eu un. Enfin, on s'est dit, genre, ah putain, en fait, ils nous ont fait flipper sur Facebook et sur les médias et tout. Et peut-être que c'est pas si grave que ça. Ouais. Donc, on était un peu rassurés. On vous a retrouvés. Vous êtes venus nous chercher, toi et le copain d'Annabelle. On a pris le taxi pour se rassurer, pour pas toucher des germes. Oui, moi, j'étais un peu contre le RER et le métro à ce moment-là, oui. Donc, on a pris le taxi pour être vraiment rassurés, etc. Et du coup, j'avais pas du tout une ambiance de putain, c'est la guerre, quoi. Et en fait, bah si, complètement. Ouais, après, ça a été très vite, ouais. Ça s'est fait en. C'est pour ça que là, le podcast que vous entendez, il a été un peu fait sur une semaine, parce qu'en fait, j'en ai pas mal enregistré au début, mais en fait, ça évolue tellement vite que c'est difficile. Et voilà, mais toi, donc du coup, il y a eu ce passage de. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en vrai, ça va maintenant. Enfin, il y a un truc, là, on est au fin de la première semaine de confinement. Bon, clairement, il y en aura plus de deux, je pense. Mais moi, je parie un mi-mai. Oui, toi, t'es très dark. Mes 30 ans sont le 14 mai, autant vous dire que bah, je vais être avec mon mec, mon chat. Voilà, ça, c'est super. Hein. C'est pas censé me blesser, mais ça me blesse quand même. Parce que je comprends que ce soit pas ce qu'on attend de ses 30 ans, mais en même temps, c'est un peu dur. Non, mais je pense que là, on verra. De toute façon, là, le truc, c'est que quoi qu'on dise, on aura l'air con quand les gens réécouteront l'épisode. Donc, vaut mieux rien dire, je pense. Mais mi-mai. mais je trouve que la première semaine, pour le moment, ça s'est bien passé. Entre nous. Ben oui, puis le confinement en règle générale, quoi. Ah, c'est-à-dire qu'on fait pas trop les fous. Moi, je suis sorti deux fois pour faire les courses. Toi, tu sors pas du tout. Mais moi, ça me déprime de sortir dans les rues désertes, de voir les boutiques fermées, de voir personne. Ça me fout le cafard. Nous, on est restés à Paris. Hein, c'est aussi un truc. On fait partie des gens qui sont restés. Mais dès samedi, franchement. Moi, en plus, j'ai pas tous mes vaccins de tout, donc je préfère faire très attention à pas répandre un petit peu le truc. Donc, du coup, on est vraiment resté dans notre appart chez nous, et puis on a de la chance. Ça, c'est un truc que je voulais dire aussi, parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué les personnes, les Parisiens qui allaient dans des autres endroits. Et sur certains, je suis complètement d'accord, les gens qui vont dans leur maison de campagne, tout ça, c'était pas vraiment le geste à adopter. Mais dans les gares où il y avait beaucoup de gens, si vous regardez bien les images, il y avait quand même pas mal de jeunes. Et moi, j'ai vécu 4 ans dans un 18 mètres carrés et je peux comprendre, en fait. Je suis d'accord, ça a peut-être, on verra les conséquences que ça a amené dans le monde de faire ces gestes-là. Mais je peux comprendre que quand tu sens qu'il va y avoir un mois de quarantaine minimum, tu aies envie de bouger de tes 18 mètres carrés. Si t'as la solution d'aller chez tes parents ou ailleurs. C'est entendable, quoi. Je dis pas que je sais pas si c'est excusable, mais c'est en tout cas entendable. Moi, je pense vraiment, franchement, en toute honnêteté, que j'aurais fait pareil à l'époque. Là, on a la chance d'avoir un peu de place dans notre appart. Mais je comprends que quand tu vis dans un tout petit endroit où il n'y a pas le soleil ou... Surtout à Paris. Ouais, tu peux vite avoir... Oui, bon, Paris, banlieue parisienne. Ouais, mais je veux dire qu'il y a plein d'étudiants ou même des gens qui préfèrent être dans le centre et ne pas mettre beaucoup dans le loyer, mais parce que c'est des gens qui sortent et qui travaillent. Ouais. Quand on leur dit de rester chez eux, c'est un enfer, quoi. Tu peux... Ouais, c'est très compliqué, quoi. Donc voilà, nous, on est bien, en tout cas, franchement. Je crois. On a eu une engueulade, ce qui n'est pas si horrible. Laquelle ? Sur la même, en fait, c'était au bout de la même journée, parce que le matin, quand je me suis levé, je voulais du Nutella et t'as dit non, on va manger des lasagnes. Non, bah, parce que on va aller vite, hein, parce que je sais pas si ça intéresse les gens. Non, on va aller vite, mais on essaye d'instaurer des petites règles de confinement entre couples qui est de manger ensemble pendant les repas. Oui. Je trouve ça cool. Oui, fais-moi passer pour le gars qui déteste manger avec toi. Pas du tout. C'est pas ça. Je me suis levé. C'est beaucoup des plus. Des rendez-vous, en fait, Flo. Rien de plus. En fait, c'est juste. Moi, je me suis levé avec une envie de Nutella, d'accord ? Parce que je vous rappelle que le confinement, c'est dur pour tout le monde. Que moi, j'ai pas de cigarette, j'ai pas l'alcool, j'ai que la bouffe. Donc, un peu de Nutella, c'est quand même pas trop demandé. Et je voulais une petite tartine de Nutella et je me suis réveillé. Vous connaissez ces envies, des fois, tu te réveilles avec une envie de manger un truc et tu te dis, je ne mangerai rien d'autre que ce truc en te levant. Et effectivement, il nous restait un fond de lasagne végétarienne. Et du coup, il a fallu qu'on mange ça et ça m'a. Un peu déprimé, slash un peu énervé. Je comprends. Et à la fin de la journée, il y a eu autre chose. Et ça plus ça, parce que j'ai rien dit sur le Nutella. Et ça plus ça, à la fin, il y a eu petite crise de ma part. Ouais, j'avoue. Mais c'est compliqué. De toute façon, il y a toujours une habitude de il m'énerve sur tel sujet. De toute façon, je pars au taf ou je pars boire un verre, ça passe, on revient, on n'en parle plus. Là, il y a vraiment un truc de confinement, de on s'énerve et on n'a pas. En fait, la seule personne à qui on peut parler ou sur laquelle on va tomber, c'est la personne avec qui on s'embrouillait. Donc du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ça fait du bien aussi de s'engueuler. De toute manière, au moins ça, on lâche les trucs et puis effectivement, de s'engueuler pour du Nutella, c'est que tout va bien. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas les plus. Non, ça, tout va bien. Mais du coup, voilà, il y a des petites règles où on essaye de, voilà, on s'est un peu dit genre, viens, on se dit qu'on s'habille le matin vraiment et on reste pas. Non mais genre. On reste pas en pyjama ou en jogging. Afin de créer, tu veux dire, le désir chez l'autre, par exemple ? Non, mais histoire de que les jours ne se ressemblent pas, oui, finalement. Ah oui, d'accord. Tu vois, oui, je vois plus genre. Ce truc-là. Bien sûr. De que l'appart soit propre, qu'il soit rangé et tout. C'est des petits trucs qui, je pense, font du bien au moral. Non, vrai. Mais nous aussi, le truc, c'est qu'au début, moi, j'étais dans l'extrême inverse, à savoir, mais on n'est pas obligé de se croiser tout le temps parce qu'on va être l'un sur l'autre pendant un mois. Ce qui fait que, du coup, j'étais peut-être presque trop distant. Oui. Et inversement, toi t'avais beaucoup besoin et moi j'étais genre mais si on est l'un sur l'autre on va se tuer en fait. Donc je pense qu'il a fallu un peu équilibrer ce truc là. Ouais, moi j'ai eu un gros moment d'ennui en fait. Moi je travaille beaucoup en journée. Tu travailles tout le temps, ouais. Tu fais que d'écrire dans ton bureau et c'est normal. Et moi je reviens du Pérou, j'ai vu aucune personne à part mon gars. Donc du coup j'avais vraiment une espèce de... Et t'es un peu en chômage technique de taf vu que les tournages sont un peu tous en stand-by. Ah ben moi tous mes projets sont annulés, ouais. J'ai rien du tout. Donc du coup il y a des moments où vraiment je m'ennuie. Et du coup j'ai envie de jouer avec mon gars, j'ai envie qu'on fasse un Monopoly, j'ai envie oui, que... Oui, c'est pas une métaphore sexuelle, hein, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc jouer avec mon gars c'est faire un Jenga, hein, c'est exactement, pas du tout... Exactement, c'est un Scrabble. Donc, et du coup tout ça, et en fait je me rends compte que les journées sont vraies, les journées sont longues et du coup il y a vraiment des moments où t'as envie de sociabiliser. C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait c'est ça la journée Nutella, pour le drame de la journée Nutella, c'est que quand je suis sorti tu voulais qu'on fasse des trucs et moi j'étais là genre oh, je suis claqué, j'ai écrit tout l'après-midi, j'ai plus de cerveau, je veux juste me poser dans le canap. Et ça t'a saoulé. Bah ouais. Voilà. Ah là là. Ouais. C'est qu'on n'a pas de problème. Non, c'est que tout va bien. Bon, très bien. Écoute, Clara, merci beaucoup. Je te propose que dans la journée, on se fasse un petit voyage cuisine-salon. Ah ouais. Et après, peut-être, on pourra aller visiter un peu la salle de bain. Hyper sympa. Et puis, oh, il y a notre chat qui vient nous voir, mais c'est notre enfant. C'est la troisième personne de cet appartement. Alors, non, mais pour le coup, vrai truc, la présence d'un animal sauve la vie. Hein. Ah ouais. C'est assez dingue. Elle nous divertit dans tout. Elle nous remplace presque la télé. C'est-à-dire qu'elle nous fait des trucs, on la fait jouer. Elle est vraiment. Et en fait, elle est très collante. Elle est très en demande de bisous et de câlins. Donc, du coup, c'est encore mieux. Ouais, elle est assez. Elle vit plutôt bien ce confinement en tout cas. Je crois qu'elle comprend. J'avais peur en fait qu'on la saoule, genre parce que normalement la journée on n'est pas trop là donc on la laisse tranquille. Et en fait, je crois qu'au contraire, elle est très contente qu'on soit beaucoup là. Elle est très contente. Est-ce que, tiens, vu que tu es la seule invitée à cause d'un confinement, c'est très bizarre pour moi parce que vraiment le dernier numéro que les gens écoutaient, on était 1200 vu que c'était au Bataclan. Oui, c'est vrai. Et là on est deux, alors on va appeler des gens. Trois, Chelsea, j'étais un personnage. Chelsea, pardon, excuse-moi, on est trois. Est-ce que tu as une recommandation culturelle autre que Buffy peut-être à faire aux gens? Un truc que tu as aimé, que ce soit un livre, un film. Ouais. Non, voilà, ça s'appelle Le Chardonneret de Donna Tartt. Je le dis peut-être très mal. Une pelle à tarte, tu veux dire. Ouais, exactement. Je le dis peut-être très mal, mais du coup, c'est un bouquin qui a quand même reçu des prix et tout. Donc, je pense que les gros fans de lecture doivent le connaître déjà. Mais du coup, c'est un super bouquin. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon. Qui sort après une explosion d'un musée avec un tableau qui cache. Et du coup, c'est un peu la descente aux enfers de sa vie, de son parcours et tout, où ce tableau est toujours avec lui alors que le monde entier le recherche. Donc c'est hyper bien écrit, c'est hyper émouvant. Je vous le conseille. C'est vraiment une très belle histoire. Ça a été adapté au cinéma, dis-toi, avec Nicole Kidman. Mais c'est une blague. Dans le rôle de Madame Barbour. Mais c'est une blague. Voilà. Non, je te le dis, je te l'apprends en direct là. Je te l'apprends comme ça, dans ta tête. Bon, j'espère que vous êtes comme moi et que vous préférez lire avant de voir. Ah oui. Bah et s'ils aiment pas, et s'ils préfèrent pas, tu vas faire quoi? On peut savoir? Bah à mon avis, j'en ai pas entendu parler de oui, ce film, donc vrai. Je pense qu'il est pas très bien. Oui, c'est possible qu'on soit passé à côté. Non. De... très bien. Bah écoute, Clara, je te remercie. Je te recroise tout à l'heure dans la cuisine, puis le salon, puis la salle de bain, puis la chambre. Enfin. On se voit bientôt, quoi. La petite vie, quoi. elle est en train de dégueuler. À l'heure actuelle, elle est en train de dégueuler. Mais c'est pas génial de vivre avec un mec aussi marrant que moi. Ah si. Ah, c'est pas bien. Si si, c'est hyper drôle. Ouais. Bah, ah si, c'est vraiment bien. Ouais. On continue ce vlogcast avec un expert. Alors je vais appeler un expert. On va appeler plusieurs experts pendant cette émission. Il s'agit de Aymeric Poivre. Alors vous connaissez peut-être pas son nom. Moi j'ai discuté avec lui un petit peu par Messenger là depuis maintenant 2 jours. Il a l'air très calé sur la situation. J'ai décidé de l'appeler. Aymeric Poivre, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle on écoute ce podcast. Je pense évidemment à tous les auditeurs qui nous écoutent aussi. Exactement. Et merci pour Aymeric. Alors effectivement, vous êtes scientifique et vous avez une théorie sur comment on peut détruire ce virus. Alors c'est vrai que on entend un petit peu plein de choses en ce moment. Plein de personnes travaillent sur des médicaments ou sur des façons de effectivement d'endiguer un peu la pandémie. Vous avez une formule que j'ai peu entendue, qui est un petit peu dissidente. Oui. Est-ce que vous pouvez la partager avec nous? Oui, alors oui, j'ai entendu beaucoup de sottises quand même qui ont été dites, faut dire ce qui est. Non mais c'est vrai, la chloroquine, tout ça, bon d'accord, très bien, mais moi j'ai une solution qui n'est pas à l'état uniquement de théorie, qui est plutôt pratiquée. Ah d'accord, autant pour moi. Qui a fait ses preuves, donc voilà, je vous prierai de respecter ça. D'accord, mais c'est fou, non mais je me suis permis parce qu'en fait, qui a fait ses preuves alors qu'on n'en a pas du tout entendu parler quoi, c'est ça qui est un petit peu surprenant. Les gens en parlent peu. On est sur quelque chose effectivement d'assez expérimental, mais qui fait ses preuves. J'ai eu un brevet. J'ai eu le brevet. J'ai eu le brevet quand j'étais en troisième. Le brevet des collèges. Oui, j'ai eu le brevet des collèges. Voilà. Et du coup, je me dis que peut-être que je peux avoir un brevet aussi pour ça. Enfin, oui, ça dépend de. Enfin, je suis en train de gérer ça. Je suis en train de gérer ça. Ne me posez pas trop de questions là-dessus. Oui, d'accord, parce que je ne crois pas que ce soit comme ça que fonctionnent les brevets. Sans vouloir vous manquer de respect une fois de plus. Je vous entends très très mal là. Donc, je ne sais pas vraiment ce que vous. Pardon. Vous d'accord. Donc voilà, la technique, pour le dire, c'est assez simple. Vous êtes au courant quand même. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre que le virus, le Covid-19, n'aime pas la chaleur. Ah ben, bah, vous me l'apprenez. Ça, vous me l'apprenez. Ah oui. Ah non, il n'aime pas la chaleur au-dessus, ça va très vite. Hein. Mais les virus en général n'aiment pas la chaleur. C'est vrai que donc, quand on a un rhume, en tout cas on nous prévient, il vaut mieux rester au chaud. Vous êtes en train de nous dire que le coronavirus, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, voilà, tout simplement. C'est un virus qui réagit comme les autres et il n'aime pas la chaleur. Et du coup, moi, ce que j'ai fait voilà, une réflexion assez simple et qui marche très bien. Je me dis, voilà, combattre le feu par le feu, d'une certaine façon, donc... Le virus n'aime pas la chaleur, il faut lui mettre de la chaleur dessus. Voilà, tout simplement. D'accord, et donc quand vous dites qu'il faut mettre de la chaleur dessus, c'est comment ? C'est par un système de... Il faut réchauffer le corps, peut-être prendre un bain chaud ? Ah, moi je brûle. Moi je brûle essentiellement. Voilà, c'est comme ça, c'est ma technique après, hein, mais celle qui a bien marché. Moi ce que je conseille pour l'instant, c'est de brûler. Par exemple, vous avez un tissu qui est suspect. Vous voyez, vous touchez quelque chose, un objet suspect, vous le brûlez immédiatement. Et là le virus ne résiste pas. Ça, je vous confirme que dans 100% des cas, le virus ne résiste pas. Alors, j'ai beaucoup de questions hein, d'un coup qui viennent à moi suite à ça. Donc, quand vous dites brûler, j'ai deux. La première question, c'est déjà comment un vêtement est suspect ? Quand vous voyez, si vous le portez déjà, c'est suspect. Ah, d'accord. Déjà, si vous... Ouais, moi, je conseille de ne pas porter de vêtements. Moi, je ne porte plus de vêtements depuis le début de cette histoire. Ah bon ? Personnellement. Ah, d'accord. Non, mais dans le doute. D'accord, oui, parce qu'on on a appris quand même que ce virus pourrait traîner pendant quelques heures sur les vêtements, etc. Dans le doute, je conseille de ne pas porter de vêtements. Mais ça, je ne peux pas l'imposer, vous comprenez ? Non, je comprends bien. Et donc, lorsque vous dites brûler, c'est-à-dire brûler, c'est une façon de parler ou c'est vraiment mettre le feu, quoi ? Dans le feu, brûler dans le feu, utiliser le feu très fort. Le feu qui brûle, le feu qui est très très chaud. Vous utilisez ça alors, avec différentes techniques, soit un briquet, soit un feu de joie, un feu de cheminée. Il y a également des lance-flammes qui sont très très pratiques. Là, chez moi, je me suis acheté un D427 qui est un dernier cri, un dernier modèle de lance-flammes. Ah d'accord, ouais. Dès qu'il y a doute, je brûle le lance-flammes. D'accord, donc ça, alors ce serait peut-être plus effectivement pour éviter de transmettre le virus. On sait que c'est par la transmission que le virus progresse. Mais imaginons que voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui a déjà le Covid. Comment arranger la situation ? Ah ben, je le brûle. Ah, vous ? Je le brûle, enfin... Vous brûlez la personne ? Ah oui ? Ben, c'est très efficace. Vous m'accorderez que c'est très efficace. Mais moi, je brûle dans le doute, directement, en fait. La solution que je propose, c'est à partir du moment où il y a doute, il y a immédiatement, combustion, je dirais. Immédiatement. Moi, je conseille la combustion en cas de doute, que ce soit sur des objets ou sur des humains. Voilà, moi, je sais que, un soir, ma femme est rentrée, elle a fait un petit comme ça, j'ai brûlé immédiatement. Ah, vous avez immolé votre femme par le feu? Oui. Mais... ma femme et mes enfants, quoi, qui du coup étaient quand même très suspects. Non, mais parce que c'est vrai que le gouvernement nous a quand même dit déjà que les enfants pouvaient transmettre, que les enfants pouvaient transmettre le virus très facilement. Bon, moi j'ai pris les devants, quoi. D'accord, mais donc vous avez brûlé l'intégralité de votre famille. Oui. D'accord. Ainsi que ma maison. Mais pareil, comment faire confiance en ces murs qui ont été salis, comment les nettoyer à part le feu? Voilà, moi c'est ça que je dis, j'ai tout nettoyé par le feu. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Oui, alors après, je sais pas si ça inclut l'homicide, mais à voir, quoi. Parce que je pense que c'est illégal vous faites. Homicide, d'accord, oui, vous utilisez des grands mots forcément. Non, évidemment. Non, attendez. Non, mais vu sous cet angle. Non, c'est un angle assez objectif. C'est un angle assez objectif. C'est l'angle de la loi, Monsieur Poivre, sans vouloir vous manquer de respect. C'est un nettoyage. C'est un nettoyage. Je dirais, comme quand vous mettez du gel hydroalcoolique sur vos mains. Oui. Bon, moi c'est pareil, je brûle. Les flammes. Ce sont deux choses très différentes, Monsieur Poivre. Vous m'enlèverez pas de l'esprit que c'est quand même deux techniques assez opposées. Il y en a une qui ne provoque pas la mort. Le but de tout ça, on est d'accord, c'est de d'éradiquer le virus. Oui, bon, les deux ont le même but. Bon, donc c'est la même chose. Bon, écoutez, là vous faites votre journaliste, vous faites faites votre gaucho. Non. Bon, écoutez, oui. Non, excusez-moi, mais gaucho, non, on peut pas. C'est pas parce que d'un coup, je me permets de juger un petit peu le triple homicide que vous avez causé sur votre propre famille. Je pense pas qu'on puisse directement me caler dans la catégorie gaucho. Je pense qu'objectivement, je peux trouver ça un petit peu limite. Voilà. Mais pour vous dire tout ce qui est, c'est tout le lotissement que j'ai brûlé d'ailleurs. C'est pas uniquement la maison, hein. Mais alors attendez, peut-être un chiffre de nombre de personnes décédées que vous avez, vous avez tué combien de gens à peu près avec les flammes, encore une fois. Bon, je dirais 1500, 1550, on n'est plus à 50 près, mais dans là où je suis, dans le petit patelin où je suis, bon, déjà tout le monde me connaît maintenant, parce que tout le monde a peur, j'imagine. Tout le monde a perdu un proche au moins. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, il n'y a plus aucun cas de Covid suspecté, hein, ça c'est très bien. Donc si vous voyez un homme à poil avec un lance-flamme, dites-vous que c'est Aymeric. Donc peut-être restez chez vous. Voilà, peut-être que c'est le hashtag qu'on peut utiliser là. Restez bien chez vous, surtout si vous croisez Aymeric, ne bougez pas de la maison. Et merci Aymeric, en tout cas, merci pour tout. Je vous en prie, la police me recherche activement. Je comprends bien. C'est sûrement lié au fait que vous avez tué 1500 personnes, qui est un chiffre énorme. Exact. Et nous continuons l'émission. Alors je reçois, c'est ni plus ni moins qu'une vedette de l'internet, ni plus ni moins. Vous le connaissez, on l'a déjà reçu pas mal de fois au sein du Floodcast. C'est Léopold le Marchand, aka l'Opérave. Comment vas-tu, Léopold? Oh, écoute, je rayonne. Tout va bien. Tout va bien ici. Est-ce que si tu pouvais noter ta vie sur 10 actuellement? Alors actuellement, ça vole pas très haut, hein. Je pense que en vrai, le moral est au plus bas. Mais oui. Ah donc on est. J'ai trouvé un petit remède. C'est un petit château Blaignan, un grand vin de Bordeaux cru bourgeois de 2016, un Médoc. Ah oui, une belle année en plus. Voilà. Énormément et puis comme ça le temps passe plus vite. D'accord. Donc Léopold sombre dans l'alcool en ce moment à l'heure où on parle, c'est assez délicieux. Léopold, je t'appelle parce que je sais que depuis quelque temps, alors là au moment où je t'appelle, nous sommes le 23 mars. Donc ça fait une semaine maintenant que nous sommes confinés, même un peu plus pour les bons élèves. Une semaine. Et c'est parce que plus le temps passe et plus finalement ça va, on s'y fait pas du tout. Non. Inverse total. J'en peux plus. Ouais, on s'y fait vachement bien. Enfin, en tout cas, je jouais. En vrai, j'en fais les caisses, je suis pas si triste que ça. En vrai, un petit peu. Je souffre énormément. on va pas se le cacher. Je ne bois pas en temps normal, mais là, je n'arrête pas. Rappelons également que tu es confiné seul et donc tu bois parfaitement seul. Exactement. Oui, mais non, mais moi, alors d'habitude, oui, c'est plus. Dans des occasions un peu plus festives, mais bon, là, je me dis, l'Asie est une fête, donc voilà. Même seul. Très, très bien. Donc, je t'appelle parce que, depuis quelque temps, en Italie, les gens vont à des balcons pour faire pour faire la fête, tout simplement, pour chanter, pour combattre un petit peu cette morosité ambiante. Et je crois que ça t'a donné des idées. Exactement. Alors, j'ai horreur de. Je trouve qu'en fait, c'est très bien d'applaudir tout ça, mais c'est pas assez, en fait, tu vois. Ouais, enfin, c'est quand même pour les hôpitaux, pour le donc corps, c'est quand même une. Le corps médical. Oui, c'est quand même pas mal. Ouais, mais alors, moi, du coup, moi, ce que je fais, c'est que. Bon, là, je suis à la campagne, donc il n'y a strictement personne autour de moi. D'accord. Mais ça n'empêche que je chante à ma fenêtre, quand même, pour me donner un peu du baume au cœur. D'accord. Là, par exemple, hier, j'étais sur du Michel Sardou, les lacs du Connemara. Très bien. Très bien, mais du coup, tu es tout seul chez toi? Ouais, mais je peux ouvrir la fenêtre et hurler, hein, y a pas de soucis. Ouais, peux... d'accord, bah oui, mais du coup, ça n'a pas grand. Comment dire? Ça n'a pas grand intérêt, du coup, personne ne chante avec toi. Non, mais c'est parce que je suis bourré. Ah, okay. D'accord. Du coup, je contrôle pas trop ce que je fais, tu vois. D'accord, je comprends. Donc, juste, tu vas à ta fenêtre et tu hurles des chansons. C'est ça. D'accord, très bien. Tu peux nous donner peut-être un petit aperçu, juste pour voir? Que bueno, que rico, que lindo, Paris Latino. Que bueno, que rico, que lindo, Paris Latino. Bandolero rock, oh. Bandolero choc. Tac, tac. Bandolero rock, bandolero choc. Ça ressemble à un paquet de gâteaux. Bandolero choc. Oui. Voilà. Rappelons que tu es la première personne. Je suis la première personne à qui tu parles depuis maintenant 7 jours. C'est ça. Ça me fait beaucoup de bien. J'avoue. Ouais, je vois ça. D'ailleurs, si tu peux rester un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Oui, bah je vais. Après, je te promets pas de tout mettre dans l'émission, mais effectivement, on peut un peu discuter si le cœur t'en dit. Bon, en tout cas, c'est un chouette moment que t'offres aux auditeurs. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire, que vous soyez effectivement en appartement ou en maison de campagne. N'hésitez donner pas à chanter. Donner sans vraiment attendre en retour, quoi. En fait, c'est ça. Et puis même, ça fait du bien à soi, j'ai l'impression, Léopold, non? Comment? J'ai pas entendu. Complètement ivre mort, putain. C'est une catastrophe. Non, j'ai l'impression que ça fait du bien à son propre corps de faire ça. Oui, je suis rond comme une queue de pelle. Est-ce que tu t'es découvert une addiction? Non, je dirais pas une addiction, mais disons que... j'apprécie fortement. D'accord. Et que j'ai l'impression que plus j'en bois, plus mon corps en redemande. Donc je sais pas si. C'est vraiment le concept d'une addiction. C'est sensiblement pas la même chose. Je suis désolé. C'est assez similaire. Donc, moi, il y a un contexte de plaisir, tu vois, qui est vraiment fort. Vraiment, beaucoup d'addiction. Ah, pour le moment, c'est du plaisir. Après, dans 2 semaines, ce sera un besoin vital et ni plus c'est ni ça. Voilà, rien d'autre. Absolument rien d'autre. écoute, en tout cas, un litre par jour. Léopold, je suis heureux de t'avoir eu au téléphone. Ça me rassure, en tout cas, je me dis, il va bien. Une question aussi, je me demandais, on est à combien de masturbations là, dans une semaine? Parce que c'est vrai que c'est assez fou, parce qu'en fait, on a envie de se masturber, mais en même temps, le moral n'est pas au beau fixe, donc on est dans un entre-deux un peu nul. Putain, tu sais que, figure-toi, 2 branlettes en 7 jours, ce qui est Ah, c'est pas si dingue, c'est pas si dingue. Je suis seul, mais en fait, ma libido est au plus bas, parce que je suis pas bien. On est triste, en fait. Donc, oui, voilà, mais c'est ça. Ouais. Moi, j'ai ça aussi parce que là, les gens pensaient qu'il y allait avoir une espèce de baby boom de confinement. On en parlait avec ma meuf dans le podcast. Et faut être tout à fait honnête, pas tant quand même, parce que c'est pas. Voilà. C'est difficile. Non, on a la tête ailleurs, vraiment. Place maintenant au rire, place maintenant à l'amusement. Dans ces temps un petit peu difficiles, il est toujours bon de rire avec notre chroniqueur. Alors, vous le connaissez, hein, l'actualité lui a donné énormément d'idées. Il est acerbe, il trempe sa plume non pas dans de l'encre, mais dans du vitriol, un petit bol de vitriol qu'il a toujours sur lui. Il s'agit de Tanguy Pastuniac. Ah, bonjour tout le monde, comment ça va le podcast? Ça va? Vous êtes bien confinés? Moi en tout cas, pas de problème, hein. J'ai l'habitude de faire le confinement dans mes chroniques. Le confinement, vous l'avez? Écoutez, moi en ces temps moroses d'épidémie mondiale, je suis là pour mettre un peu de piquant, un peu de peps dans vos vies en quelque sorte. Parce que maintenant c'est fini, tout est fermé, on doit rester chez soi, plus de bars, plus de restos, plus de ciné. Et le pire, on doit scoltiner les gosses à la maison. Je vous raconte pas le désastre. Alors pour pas que les enfants croient qu'ils sont en vacances, le ministère a lancé l'enseignement à distance. Formidable idée. Sauf que moi, ma fille, elle est en maternelle. Alors on fait comment? On a essayé de faire rentrer sa pâte à modeler dans la prise USB de l'iPad. C'est un peu compliqué. Et puis, moi, ça me dérange pendant mon travail. Ah oui, avec le confinement, je me suis mis au télétravail. Ah, c'est super le télétravail. C'est comme être au bureau, sauf qu'au lieu d'insulter Chantal de la Conta, la machine à café, on le fait sur Skype. Chantal, tu m'entends là? Attends, merde, mon micro n'est pas branché. C'est bon là, tu m'entends? Oui? Ah, parfait. Tu m'emmerdes, Chantal. Finalement, le coronavirus, il tue peut-être des milliers de personnes, mais il fait vachement avancer la technologie. Et sinon, vous avez imprimé l'autorisation de sortie, là? Et moi, j'en ai déjà imprimé 20 depuis lundi pour pouvoir sortir. Je vais promener mon chien 6 fois par jour maintenant, alors que j'ai même pas de chien. Ah ouais, mais au bout d'un moment, rester enfermé chez soi, c'est vrai, ça rend fou, hein. Vous avez vu les images des Italiens qui chantent au balcon? Moi, ma voisine a essayé de faire la même chose. Elle a commencé à chanter du Aya Nakamura. J'ai dû utiliser mon dernier masque FFP2 pour essuyer le sang qui sortait de mes oreilles. Oh, et non merci. Et pourquoi pas du Joule tant qu'on y est? Ah, ensuite j'ai dû me mettre en cuisine. Je voulais me faire des pâtes, mais impossible d'en acheter. Tout a été dévalisé au supermarché. Obligé de manger des pizzas à l'ananas. Eh ouais, c'est le seul truc que les gens ne touchent pas tellement c'est nul. Eh, d'ailleurs à ce propos, c'est quoi le problème des gens avec le PQ? Ils le mangent le papier toilette ou quoi? Ils disent quoi? Ce soir au menu, spaghetti sur son lit de Moltonel. Ah, les mecs, ils se sont fait des stocks pour 4 ans, non mais ça va pas. Eh, si vous voulez mon avis, il y en a qui sont quand même plus cons que finés, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, à la prochaine. Tanguy Pastignac. Alors, on va aussi remercier, j'ai envie de dire, tel un Dr Jekyll et un Mr Hyde, il y a Tanguy Pastignac et il y a Julien Pagnac qui est avec nous. Julien, comment vas-tu? Merci. Ça va très bien et toi? Ça va extrêmement bien, écoute. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien? Parce qu'en ce moment, vous les Twitchos là, avec le confinement, attention, ça y va la thune, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on peut me retrouver sur Twitch. On nage dans la thune actuellement, hein. Les gens n'ont rien d'autre à foutre que de nous regarder. Donc effectivement, on nage dans une piscine de thune, c'est indécent. Bah, donc évidemment, on peut me retrouver sur Twitch, hein. Julien Pagnac. C'est Julien Pagnac, voilà, tout attaché, il n'y a pas de subtilité. Twitch.tv/Julien Pagnac, P-A-N-I-A-C, voilà. Parfait. Tout à fait. Et sur Twitter, c'est pareil. Ah oui, suivez-le sur Twitter aussi. Alors, bon, en ce moment, forcément, il y a un peu moins de blagues, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, écoute, on jongle entre les blagues et de l'actu chaude, et puis, bah, voilà, quoi. Comme tu as dit, une plume trempée dans le vitriol, hein, parfois, hein, écoutez, contre ce gouvernement-là. Oh là là, le macaron, me lance pas sur ce macaron. Ah là là, ouais, oui. Ah là là, il va nous parler tous les soirs à la télé ou quoi, celui-là? J'ai bien l'impression. Ah non, mais attends, incroyable. En tout cas, bon, si vous aimez cette chronique, j'aimerais vraiment que Tanguy Pastignac vienne nous faire quelques chroniques de temps en temps dans Floodcast. Ce serait vraiment cool. En tout cas, bah, merci beaucoup, Julien. Tu embrasseras Tanguy. J'ai l'impression que c'est comme le Père Noël, tu sais. C'est... Oh là là, j'ai vu Tanguy partir de mon appartement. Au revoir, Tanguy. Au revoir, vous l'avez raté, les enfants. Je l'ai encore raté. T'as raté Tanguy. Chaque fois, Julien, j'arrive c'est terrible. Poil. Je sais pas. Mais si je le croise, je lui ferai un check du coude. Oh, bien sûr. Bon, écoute, je te fais des gros bisous, Julien. J'allais t'appeler Tanguy. Et bah, à très bientôt, gars. Bisous, ciao. À très bientôt. Bye, ciao. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là encore? Bonjour, Nathalie, ça va? Déjà, je me coltine ton frère. Ah oui, tu es en confinement avec mon frère? Ah oui. Comment va-t-il? Il va bien, tu sais, il fait ses trucs de zikos, quoi, il compose. Tu parles. Tu as pris un petit accent. T'as un petit accent. Bah parce que je deviens folle en fait. tu es en train de perdre la tête? Un peu. Oh bah voilà, bah c'était pour savoir si tout allait bien. C'était juste ça. Donc. Eh bah écoute, tout va très bien. On l'inverse. Est heureux d'être tous les 5. Donc toi tu es à 5, c'est ça? On est 5 dans la maison. Oh là là, et ça va? Est-ce que c'est comme une télé-réalité? Vous commencez à avoir des hauts et des bas? Franchement, la journée, on bosse, on est tous en train de taffer sur des petits projets perso. Trop bien. Et le soir, on se fait des petits dîners, télé, cheminée. Franchement, c'est cool, hein. La vie est belle, quoi, tout simplement. Moi qui suis casanière, ça ne change pas d'habitude, en fait, vraiment. C'est ça. Donc ça va, tu ne deviens pas folle, c'est faux. Non. Voilà, en tout cas, c'était un canular, tu es en direct sur Floodcast. Bonjour, bravo Nathalie, bravo. Putain, énorme. Wouh, bravo. Tu m'as fait rouler dans la farine. Bah ouais. Et moi, je me suis livrée comme ça. Bah ouais, t'as tout donné, là. Fait, tu t'en fous de ma gueule, en fait. En vrai, non, pas du tout, mais c'était pour savoir dans les grandes lignes, quoi. Je voulais m'aurais jamais appelé si c'était pas pour un Floodcast, enculé. Franchement, en fait, je pense que j'aurais envoyé un texto. Bah, mets-toi ton micro dans le cul. Oh, c'est pas très sympa. Je crois que je me serais... En vrai, en toute honnêteté, j'ai voulu t'envoyer un texto, et vu que j'avais mon truc de radio de brancher, je me suis dit, mais tiens, je vais l'appeler. Mais t'avais pas le temps. T'avais pas le temps. Pourquoi j'avais pas le temps d'envoyer un texto? Tu sais, je suis très busy, moi, en ce moment. Là, je vais aller au resto. Mais pourquoi tu te mets pas sur House Party, toi ? Mais alors, ça, c'est fou. Mais j'ai pas téléchargé. Clara l'a téléchargé, mais moi, j'ai pas House Party. Ça t'intéresse pas ? Mais je sais pas. Tes amis ? Mais alors, déjà, bon, il y a deux choses. C'est que le nombre d'amis est assez peu élevé, pour être tout à fait honnête. Et du coup, je connais pas trop le concept de House Party. C'est juste, tu téléphones à plusieurs, c'est ça ? Bah, en fait, c'est vraiment comme si c'était une maison ouverte et les gens entrouvrent la porte, ils rentrent, ils restent, ils sortent. Il n'y a pas de sonnerie, c'est cool, quoi. Il n'y a pas de « Allô, oui, ça va ?» Tu rejoins des discussions sans qu'il y ait de formulation de politesse et tout. Enfin, c'est cool. Bah, tu viens de définir une angoisse pour moi. Ça m'en... Ah oui. Genre, mais tu vois, Théo Bonnet, ouais. Il a son house party en permanence ouvert. Et du coup, une fois, je l'ai surpris à rentrer dans sa pièce, quoi. Il a vraiment sursauté, genre « Oh !» Enfin, les gens rentrent à l'improviste. Mais c'est donc, très... Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est la mode chez vous, les jeunes ? Chez les millennials ? Chez les trentenaires. en revanche, comment vont tes cheveux ? Parce que j'ai vu que ta compagne t'avait coupé les cheveux. Écoute, moi, j'aime... Oui. Moi, j'aime bien, mais je sais que ça divise. Oui. À la manière du Brexit, ça divise la France. Moi j'aime bien. En même temps, c'était le moment ou jamais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme poule, puis c'est décolorer les cheveux. Tout le monde tente des choses. Mais en même temps, si tu le fais pas là, tu le fais quand, tu vois? C'est vrai. Franchement, Clara, elle avait jamais coupé de cheveux de sa vie, et je trouve le résultat. Alors, sans être Jean-Louis David, c'est pas si dégueulasse, je trouve. Bah, vu qu'il y a plusieurs mois de confinement, elle a le temps de s'améliorer. Bon, t'as détesté. Très clairement, t'as détesté. En juillet, ça sera Jean-Louis David. Et j'en profite pour faire une pub pour mon TikTok. Ah, alors bah vas-y, pour les auditeurs. Et bah, c'est Natou. C'est Natou. Et ma bio, c'est Boomer sur TikTok. Voilà. Tout bonnement. Natou, N-A-T-2-O ? Oui, tout à fait. C'était dispo parce qu'il y a plein de gens qui se font niquer, ils se font prendre leur. Non, mais attends, j'ai des relations en fait. Oh là là. J'avais oublié que tu pesais un maximum. Excuse-moi, Nathalie. C'est la mafia de l'influence. On la connaît. On la connaît bien. Mais là, moi, je suis démunie. Hein. Toutes mes OP me passent sous le nez. J'ai plus rien. C'est terminé. Hein. L'Eldorado, les YouTube et tout ça, les placements de produits, c'est sous le nez. Terminé. Va falloir que tu te mettes à Twitch après TikTok. Va falloir que à quoi ? À Twitch. La plateforme de Twitch. Oh là là, j'ai tellement de choses à apprendre en tant que vieille personne. Arrête, t'es super. Déjà, tu t'y connais bien. Déjà, t'as refusé. C'est bien déjà. Oui, c'est vrai, je me suis dit, attends de voir ce que ça va donner. Je vais faire, oh. Bon, bah, Nathalie, je te fais des gros bisous en tout cas. Je vais installer. Moi aussi, je vais installer. Des bisous à tout le monde. Je vais installer. Et profitez-en pour nourrir vos esprits, lire des livres. La vieille personne. Non, en revanche, vraiment, en une semaine, on a allumé deux soirs la télé ou une fois, je sais plus. On travaille beaucoup, on écrit des choses, c'est trop bien. Bon, je te fais des gros bisous en tout cas, Nathalie. Moi aussi, des bisous, gros bisous. Bisous à tout le monde autour de toi. Monde. Bisous à tout le monde autour de toi. Bisous, ciao, oui. Bye. Ciao. Nouvel intervenant avec nous pour ce Floodcast un petit peu spécial. C'est quelqu'un que j'ai tenu à inviter. Alors, c'est quelqu'un d'un petit peu dissident par rapport à ce qui se dit en ce moment sur les réseaux sociaux, sur BFM TV ou dans la presse actuellement. Son nom, alors c'est un peu surprenant. Monsieur, est-ce que vous me recevez, monsieur ? Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, pour rassurer les gens, nous ne sommes pas dans la même pièce. Hein. C'est un système un petit peu technologique qui fait que vous avez un micro de votre côté. Nous parlons via Skype et on s'enregistre chacun de notre côté. Et effectivement, je suis dans mon confinement. Bah ouais, ouais. Bon, chacun dans son confinement. Alors, monsieur, vous pouvez vous présenter ? C'est assez surprenant. J'avoue que quand j'ai lu le texto, j'étais un petit peu genre, bah, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, quelque part ? Donc, je suis bel et bien François Hollande. Enfin, pas le vrai, hein, même si je me plais un peu à l'imiter souvent. Mais bon... Vous imitez. Alors, vous pouvez imiter François Hollande. J'ai pas envie de trop m'exposer. Ah, écoutez, vous savez, en ce moment, les gens vivent quand même un peu en confinement. C'est un petit peu dur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite imitation de François Hollande ? Vous êtes quand même son homonyme. Allez, fermez les yeux. Ok ? Allez-y. Allez. Je ne suis pas Mila, je suis François Hollande. Et... Oh, vous le faites bien. Non, vous le faites bien. Voilà. Mais voilà. Après, ouais, non, mais si vous le tenez. C'est voilà. Le parti pris en fait, c'est que là où je tire un peu ma dissidence, c'est que j'encourage tout le monde à acheter un maximum de PQ. Pourquoi ? Voilà, alors c'est ça qui est assez surprenant. Exactement. Puisque en fait, on voit effectivement en ce moment dans les journaux télévisés les gens faire d'énormes provisions en vue de ce confinement, et on les voit acheter énormément de nourriture et énormément de papier toilette. C'est vrai que ça a un petit peu surpris tout le monde, acheter énormément de PQ. Et vous, qui êtes quand même expert en tout ce qui touche autour du papier toilette, vous dites c'est important, il faut acheter énormément de PQ en fait. Exactement, car tout simplement, j'adore chier. Voilà. J'ai trouvé dans cette période de confinement assez drastique un énorme plaisir d'en chier. Voilà, au quotidien, c'est vraiment ce que appellent les anglo-saxons mon kink. Voilà, donc j'encourage tout le monde vraiment à essayer d'explorer cette voie-là, à savoir la voie. Alors, ouais, ouais. La voie du trou de balle. Exactement. Ouais. Donc, quand vous dites que vous adorez chier, on est bien d'accord que c'est expulser de la merde par votre par trou du cul. Trou du cul, exactement. Alors, pour ça, c'est avant tout un style de vie que j'ai vraiment réussi à épouser très tôt, dès vendredi en fait. Enfin, vendredi. Ouais, dès le début du confinement, ouais, en vérité. Vraiment, c'est quelque chose. Donc, du coup, j'ai visé directement le PQ le plus intense. Même si le plus intense et le plus molletonné, il semblerait que c'est Just One. Mais oui, la Just One de chez Lotus, effectivement. Je peux vous dire, sans mauvais jeu de mots, que c'est pas Just One. Ah non. Ah, vous utilisez beaucoup plus que One. Ah non, mais avec ce que je vous chie, mon pote. Oh, pardon si je suis un peu trivial avec vous. Je peux dire, c'est juste 19, hein, comme le Covid. Hein. Allez, parce que... Ah, elle est belle. Ah, non, elle est bien, mais il faut savoir... De cette période un peu sombre. C'est bien tout ce qui nous reste, hein, malheureusement. Voilà. Donc, alors oui, vous chiez énormément. Est-ce que ça a changé un peu votre quotidien? Est-ce qu'il faut un peu changer ses habitudes, peut-être aussi dans l'alimentation? Ou est-ce que vous arrivez à chier un peu sur commande? Bah, après, je suis un peu dans les 3B, en fait. Le régime 3B, c'est les 3 burritos. Donc, on commence dès le matin avec un burrito breakfast. Très très gras. Bien évidemment, je vis en couple, donc j'essaye de faire travailler un petit peu. Enfin, c'est vrai que c'est une expérience un peu particulière. Voilà, je suis très à l'aise avec ça. Votre compagne elle-même, est-ce que votre compagne elle-même adore chier ou pas tant? Alors pas tant, parce que c'est quelque chose. Ah. Non. Très centré sur moi et sur mon plaisir en fait. À savoir que en fait j'ai envie que dans mon confinement et après j'ai un peu envie de dire quelque chose, c'est on me considère un peu comme une personne à risque, fragile. Donc mon confinement doit être total. D'accord. Oui. Ah oui. Donc c'est pour ça que je demande à ma compagne de m'accompagner dans ces moments de vie, à savoir chier. Est-ce que vous pouvez peut-être... Oui, on l'avait. Est-ce que peut-être vous pouvez un petit peu nous décrire un petit peu comment ça... Parce qu'on a du mal à voir comment elle peut vous accompagner, en fait. Alors, déjà, il y a l'avant. À savoir, c'est de notifier la personne. Ah oui, d'accord. On part de là, et ensuite, donc, je lui demande de venir s'asseoir en face de moi, étant sur le trône, bien évidemment. D'accord, dans vos toilettes, tenir la main, les yeux dans les yeux. Exactement. De tenir la main, carrément, d'accord, d'être en contact, les mains, au final. Effectivement, voilà, parce que c'est quelque chose qui se vit à deux. Et aussi, je lui demande, en fait... Ça se discute, mais... Ouais. Bah, excusez-moi. Non, pardon, je vous ai pas vous coupé. Non, pardon. Non, pas du tout. Non, je disais juste que ça pouvait se discuter. Mais pardon, je voulais pas vous couper, okay, je vous laisse terminer. Et donc on sait très bien que depuis récemment, les études ont prouvé qu'il fallait vraiment surélever les jambes. Donc je mets mes jambes sur ses genoux et elle regarde. Voilà. Donc je peux voir et vraiment... Elle-même, excusez-moi, juste pour que je me le visualise, est-ce qu'elle est debout? Est-ce qu'elle est en position de la chaise? Vous savez, c'est une position qui fait un peu travailler les cuisses quand on fait du sport. Comment elle se tient? Exactement, c'est des squats tout simplement. Ah, elle fait des squats, elle en profite pour faire des squats pendant que vous chiez devant ses yeux, en fait, en vérité. Exactement. D'accord. On a l'image, on visualise. Pardon, j'ai fait une petite imitation. Ah, vous avez refait Hollande. Non, c'est vrai. Ah, bah oui. Donc c'est vrai qu'en amont de cela, il est toujours préférable d'essayer de valoriser les gastro, donc clairement lécher les barres de transport en commun, mais bon, en ce moment, alors, je ne pense pas que ce soit très viable. Petite question, effectivement, parce que j'ai un peu suivi de loin les gestes barrières. Alors, il n'était pas dit qu'il était interdit de lécher les barres de métro. J'ai l'impression que ce n'est pas conseillé, tout de même, pour rester en bonne santé. Ah non, bien évidemment. Enfin, là, je tiens à rester en vie pour chier un maximum, parce que je suis très à l'aise avec ça, et je tiens vraiment à valoriser ça tout au long de ma vie. Donc, on ne pourra pas, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas vous enlever ce plaisir. Ah bah, on va pas s'arrêter de chier, en fait. On va pas s'arrêter de chier. Et je crois que c'est peut-être la phrase sur laquelle on peut se quitter. On ne va pas s'arrêter de chier. Je vous rappelle que vous avez écrit, François Hollande, un livre qui s'intitule « Chier, chier, chier, oh oui, j'adore chier », que vous avez aussi fait en chanson, qu'on écoutera à la fin de cet épisode. Oui, exactement, ouais. Et je travaille sur la suite parce que le confinement, bah, les gens, on rappelle que Shakespeare Il a écrit Roméo et Juliette pendant la peste noire. Donc là, je travaille sur le second tome qui sera Va, vie, pris et chi. Je vous rappelle les quelques conseils des burritos, de l'épargne, peut-être tout ce qui est pruneaux, figues, dattes. Figues, exactement, on le rappelle, hein, parce qu'il n'y aura pas de pénurie à ce niveau-là. Et en pharmacie, alors tout en mettant évidemment les masques et les gants, du sulfate de magnésium. Exactement. Afin de chien max. De chien Max. François Hollande, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez, je déconne. En vérité, vous ne l'auriez pas fait, je vous l'aurais demandé. Okay. Je vous l'aurais demandé. Merci beaucoup François Hollande, merci à vous. Merci. Nous continuons ce podcast avec un appel téléphonique. J'ai décidé de joindre quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail. Je termine juste votre introduction. On l'entend. Je suis au téléphone, je te dis. Avec Florent. Oui. L'émission. Patrice, vous m'entendez Patrice? Oui, allô. Oui, bonjour. Je faisais votre petite présentation. Patrice Bécon, retraité. Patrice, j'ai décidé de vous appeler parce que vous êtes la preuve vivante qu'il est possible de s'informer sur tout ce qui se passe actuellement dans cette pandémie mondiale sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin de la télévision, des journaux, de tous ces merdias, comme on pourrait les nommer, juste avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas Patrice? Effectivement, il suffit d'une tablette et d'une connexion Internet. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis sur la tablette, je suis très bien renseigné. Alors, en direct du lit. Patrice, qu'est-ce que vous avez spoté sur les réseaux sociaux récemment concernant ce virus? J'ai l'impression que vous avez l'impression que, enfin, de ce qu'on s'est dit hors antenne, qu'on nous cache un peu des choses. Ah ben, c'est pas qu'on nous cache des choses. C'est qu'il y a des gens, heureusement, qui viennent essayer un peu de les révéler, ces choses-là, mais c'est qu'on nous cache un iceberg. Il y a un monde sous nos pieds, là. C'est incroyable. Moi, avec mes renseignements, dis donc. J'ai des amis qui m'envoient des choses sur les réseaux. Je peux vous dire que c'est pas joli. C'est pas tout ce qu'on croit à la télé. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter, comme vous le dites. Vous avez des amis peut-être au sein du gouvernement, dans les hôpitaux. Comment ça se fait? Alors non, mais d'accord. Mais je lis des choses. Quoi. C'est une mascarade, voilà. Alors certains évoquaient. Alors, on ne sait pas pourquoi, ces gens, on les a bâillonnés, on évoquait une grippette, et c'est clairement le cas. Mais voilà, moi, écoutez, le confinement, j'en ai rien à foutre. Je sors la Laguna, j'ai aucun endroit où aller, mais juste je roule. Jusqu'à Clarensac. Ah, ok. Je fais le plein, je prends la Laguna, je roule. Voilà, ils n'ont pas m'emmerdé. Hein. D'accord, mais peut-être que vous roulez pour une activité sportive. C'est peut-être l'équivalent d'une activité sportive. Non, juste je roule. D'accord, juste rouler. Ok, d'accord. J'ai pas de... Non, je mets Radio Camargue. Je mets la musique, j'ouvre les fenêtres, je roule. Alors du coup, j'ai vu passer quelques informations et j'aimerais les passer au crible de Patrice. Par exemple, on a vu que Disney+ allait repousser sa sortie pour des histoires de bandes passantes d'Internet. Vous en pensez quoi, vous, Patrice? Bah alors, la bande passante... c'est pour qu'on puisse regarder les Disney. Oui, c'est ça, c'est Disney+, c'est une plateforme de streaming. Bien, ça va plaire aux gamins, le Disney. Mais justement, l'idée, c'est que ce soit repoussé, parce qu'apparemment, la bande passante, on utiliserait trop de Internet. Est-ce que vous y croyez que la France utilise trop de Internet actuellement, à l'heure du confinement? Heureusement. Non? Heureusement qu'on utilise Internet. Vous voulez faire quoi? On nous prive, on nous met en prison, dans nos prisons qui sont nos chaumiers. Hein? Alors, c'est pas que je suis pas heureux à la maison. J'ai des beaux enfants, j'ai des belles femmes. Vous voulez que je fasse quoi de mes journées? Vous occupez d'eux. À part Internet. Vous occupez de votre famille, vous occupez de votre famille peut-être, je dis ça aussi. Je m'en occupe très bien, écoutez, bon, oui. Véronique en ce moment elle est une petite toux saisonnière, je m'en occupe très bien, voilà, je suis là pour elle, C'est-à-dire, être... là, que... attention, il faut surveiller hein, quand même, Patrice. Non, mais écoutez, c'est une connerie, elle tousse, elle a un peu du mal à respirer, elle a de la fièvre, écoutez, c'est saisonnier, c'est saisonnier. Vous savez, c'est saisonnier, saison, hein. Oui, d'accord, très bien. C'est un petit rhume, c'est quelque chose comme ça, écoutez, bon. D'accord, une allergie, ni plus ni moins qu'une allergie. Bien sûr, mais vous allez, c'est sur Facebook que vous trouvez toutes vos informations ? Ah oui, bah, effectivement. Facebook, j'ai plein d'amis où ça voit plein de choses, bien sûr. Enfin, exactement sur Messenger, la petite application. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, vous connaissez, hein ? Oui, j'en ai entendu parler. Vous l'avez ? Je possède moi-même Messenger, effectivement. Avez Gmail ? Oui, oui. Parce que j'ai ça aussi sur la tablette, j'ai Gmail. C'est vrai que c'est... Moi, j'ai Gmail également. J'ai Gmail et c'est vrai que ça me sert pas mal. Ok. Oui, pour tout ce qui est mail, en fait, c'est assez utile, effectivement. Avast ? Ça, j'ai pas. Avast. J'ai pas Avast. Logiciel. C'est un antivirus. Mais vous êtes fan... On en aurait bien besoin. Vous êtes fan de logiciels, Patrice ? Ah oui, bah écoutez, j'ai... Alors, regardez. Alors, j'ai Avast. Calendrier. Oui. Réveil, ça c'est pas mal le matin. Oui, pour le réveil, effectivement. C'est efficace. Oui, assez, oui. Qu'est-ce que j'ai sur la tablette ? Attendez, oh, j'ai une connexion de pub là. Hop. J'ai Facebook. Écoutez, Patrice, on sait où vous appelez et on vous appellera. Merci beaucoup. On rappelle que vous Merci êtes aussi. Merci beaucoup, Florent. On rappelle aussi que vous êtes le committee manager du compte Twitter conflit.fr. Et on vous embrasse très très fort. Merci Patrice. On continue cette émission avec un nouvel invité. Pareil avec les joies de Skype et la technologie actuelle qui peut s'enregistrer de son côté à des milliers, peut-être même des millions de kilomètres d'ici. En ce moment, on a envie un peu de se rassembler, on a envie d'oublier, j'ai envie de dire, les rages, les colères, quand on en veut aux gens, tout ça. J'ai envie de mettre ça derrière nous. Et du coup, c'est dans cet esprit d'ouverture, cette envie d'aller vers l'autre, de tendre la main, j'ai décidé d'appeler Dan Gagnon du podcast Comedy News Weekly, entre autres. Vous devez sûrement le connaître. Enfin, bon, peut-être vous avez entendu, en tout cas, son émission Comedy News Weekly. On échange un peu des mauvais mots depuis quelques temps, depuis quelques 5 bonnes années. Et je me dis, bah là, peut-être c'est le moment en fait de s'unir et de prouver qu'il ne faut pas être que dans le drame, que dans le dark et tendre la main. Dan, est-ce que tu m'entends, Dan ? Oui, oui, tu m'entends, Florent ? Je t'entends très bien. Bonjour, est-ce que ça va déjà ? Oui, oui, oui, ça va. Je suis au Canada, je suis à l'abri. Ça va, et vous, ça va à Paris ? Ça va très bien, ça va, je te remercie de demander. Et, tu vois, déjà, c'est beau, je trouve, ce qu'on est en train de faire. Mais ouais. Écoute, ça va plutôt bien, en tout cas. Je crois que c'est au moment où la contagion explose que j'ai vraiment envie de te tendre la main pour enterrer cette hache de guerre. Bien sûr. Donc vraiment, je tousse dans mon coude, attention, hein, c'est une vraie main propre. D'accord, que je te tends. C'est la question que j'allais te poser, je croyais que tu... Enfin non, on parle d'une main bien propre. Non, mais je veux dire, oui, bon, on a eu des différends, mais c'est du passé, ça donne rien. Genre moi, par exemple... J'accepte ton invitation, pas uniquement parce que j'ai un nouveau podcast à proposer que les gens peuvent retrouver sur patreon.com/DanGagnonPodcast ou sur ma page Facebook. Je suis pas le genre à venir faire de la promotion sur genre facebook.com/DanGagnon. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Je veux dire, en ce moment, on n'est pas dans cette chose-là. On est vraiment dans le fait de se rapprocher, ironiquement, hein, j'ai envie de dire, se rapprocher l'âme. Et on laisse faire le marketing, podcast tous les jours où on discute d'un peu n'importe quoi. Vous pouvez réagir aussi sur Twitter, @DanGagnon. Voilà, donc ton nom a été répété 3 fois, Dan Gagnon. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas s'échanger peut-être 5 compliments chacun ? 5 compliments pour se dire qu'au final, on va de l'avant ? Excellente idée. Déjà, j'accepte tes excuses. Merci beaucoup. Honnêtement, ça me fait plaisir. Je les ai pas dit. Pardon pour les mots des fois. Voilà, des fois, il y a aussi, je pense qu'on a tous les deux nos torts. Je pense que des fois, il y a des trucs qui sont partis de mon côté. Pas mal d'autres fois, c'était peut-être plus de ton côté, effectivement. Mais après, bon, c'est des choses. J'ai pas envie de pointer du doigt un fautif en ce moment, en tout cas. Non. Surtout, je veux dire, bon, il y a des mots des fois qui étaient inchangés, qui étaient durs. Ouais. Et avec le recul, des fois, c'est difficile de dire, genre, est-ce que cette fois-là, genre, j'avais raison? Est-ce que c'était lucide? Est-ce que c'était un service que j'essayais de rendre? Et par exemple, l'autre personne était trop susceptible pour l'accepter. C'est pas le moment de tomber là-dedans pas du tout. Tout et, euh, Et je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux... Si toi, tu me fais 5 compliments, c'est super. Moi, je fais pareil. Je t'en fais 3. Et c'est vraiment une belle façon, je crois, d'enterrer la hache de guerre. Bah, ouais. Du coup, je pense, encore une fois, dans cette envie d'enterrer la hache de guerre, peut-être faisons autant l'un que l'autre. Donc, peut-être 3-3. 3-3, c'est déjà bien, peut-être, déjà. Je voulais quand même te remercier pour tout ce que tu avais fait pour nous. Tu vois, c'est... Bah oui. Les gens nous disent souvent, genre, à la base, j'aimais pas trop Comedy News Weekly, mais maintenant, je connais le Floodcast. Waouh! Tu vois? Et t'avais pas à faire ça. Non, j'étais pas obligé. T'étais pas obligé de... Et t'as quand même... T'es celui qui fait... T'es l'ami moche qui fait bien paraître les autres en soirée et on oublie souvent de le remercier, celui-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'étais un peu loin avec toi et vraiment... Hier, je te le dis, merci. Vraiment. Bah, j'ai presque envie de te dire de rien. Après, la comparaison avec la Mimoche, je l'ai peut-être pas. Voilà. Mais. Oui, mais non, ouais, non. Mais il n'y a pas de. Après, c'est peut-être de la maladresse. La tu parles pas très bien français. Il n'y a pas de problème. On peut chercher un peu les mots. Mais comme on dit souvent, la Mimoche du collège, c'est celui qui devient beau. Et puis, le mec qui était beau, effectivement, devient de la merde. Tu m'as compris. Non, mais c'est juste des chemins différents, tu vois. Différents. Oui, voilà. Un chemin avec, de notre côté, des palmiers qui mènent à Hollywood et vous, bah voilà, un autre chemin. Voilà, peut-être. Ben écoute, je me sens vraiment prêt à te faire des compliments. Alors vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, je suis tout oui. Oui, parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à mal prendre les choses, tu vois. Et là, en live, vraiment, ça évite tout ça. Ça fait vraiment super plaisir de voir. Parce que moi, j'avais peur que derrière tes mots, il y a comme une intention machiavélique. Et clairement, en t'entendant, on fait « oui, il n'y a pas de projet derrière cette prise de parole. » On sent que c'est spontané. Je veux dire, il n'y a pas de malice chez un chien, par exemple. Tu vois, il est plus dans l'instinct, dans le réflexe, dans la survie, dans l'absence de réflexion. Et c'est ce qui le rend sympathique. Et je retrouve ça chez toi. C'est vrai. Et je me rends compte que je t'ai beaucoup trop jugé. Donc, je suis désolé. C'est ça. Mais c'est comme... Moi, pour rester dans tes métaphores animales, moi, tu me fais un peu penser à un canard. C'était le premier. Non, c'était juste une image comme ça. Je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Mais vas-y, je te laisse commencer. Voilà, honneur à la personne que j'invite. Parfait. Donc, premier compliment. Moi, je veux vraiment, et j'y tiens, saluer ton, ta capacité à faire de l'autodérision. Parce que au-delà de tout ce que tu racontes et de tout ce que tu as fait, on sent dans tes discours que tu trouves que t'es une grosse merde et t'hésites vraiment pas à mettre ce côté-là, genre grosse merde, grosse merde, grosse merde, grosse merde, toujours en avant. Ouais. C'est genre nul, nul, nul, nul. Et il y en a qui feraient comme « wow! » Je vais être obligé de faire une pause antidépresseur et tout ça. Et toi, t'as vraiment amené l'autodérision, je dirais, au point de t'humilier à chaque prise de parole. Je n'avais pas vu autant de courage dans une prise de parole, je dirais peut-être depuis Andy Kaufman, qui pour lui c'était un jeu, c'est peut-être la différence, mais je salue vraiment ça chez toi. Bah waouh, c'est trop gentil mec. Bah merci, tu as dit quand même 3 fois grosse merde et 4 fois nul, mais je vois l'envie derrière. Je vois l'envie derrière. Merci beaucoup. Écoute, je trouve, parce que les gens le savent sûrement pas, parce que je pense que là, à l'heure actuelle, ils ont déjà googlisé ton nom pour vérifier si tu existes vraiment. Donc oui, tu es comédien, tu es auteur, tu es humoriste, tu es podcasteur, tu as fait effectivement, oui, de la fiction, des trucs un petit peu plus dans le réel, tu as fait je sais pas combien de podcasts, et ce que je trouve incroyable, c'est effectivement la multiplicité des casquettes. C'est-à-dire que tu fais énormément de choses. Et ce qui est fou, c'est que il n'y a pas vraiment de succès dans chacune. Mais malgré tout, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas et tu offres aux gens. Et c'est, en fait, moi, ça m'a aidé à avancer. C'est-à-dire que ce mec-là, il teste plein de choses, plein de métiers. Et j'ai envie de faire comme lui. J'ai envie de faire comme lui parce qu'il a l'air heureux de le faire et j'ai envie d'être heureux comme lui. Voilà. OK. Merci. De rien, de rien, de rien. C'est vraiment le cœur qui parle. Hein. C'est comme ça, on donne. Hein. Je te dirais que je te trouve aussi bon dans les compliments que dans les podcasts. Ah, merci vraiment, beaucoup. Vraiment, je retrouve exactement, mais genre, la même qualité. Pas moins bien, vraiment pas mieux. Juste constance, quoi. Et la plupart des gens, ils en profitent pour comme continuer de s'améliorer. Et vient un temps, on les retrouve plus. tu fais comme « Ah, c'est comme les musiciens, tu vois, c'était mieux avant, ils sont un peu perdus. » Toi, tu t'es pas perdu parce que t'es resté exactement au même endroit. T'es pas tombé dans le piège d'évoluer, d'apprendre, de changer en quelque sorte. Donc, si les gens aimaient la première chose que t'as fait il y a 10 ans, ben, ils vont aimer ce que tu fais aujourd'hui parce que c'est, au final, c'est quoi, c'est les deux, trois mêmes blagues, plus ou moins, et d'avoir réussi à rentabiliser ça. Tu sais, dans un contexte où on parle beaucoup d'écologie, de rentabilité, de pas jeter nos ressources, toi, les trois blagues que tu... Ben, quand je dis connais, je veux dire que tu as traduites de Kevin Smith, et tu les as très bien fait d'ailleurs. Ah, merci beaucoup, mec, c'est gentil. J'ai l'impression qu'on peut aller à deux compliments chacun. On n'est peut-être pas obligé d'en faire trois. Ce serait peut-être de la gourmandise. Je trouve que les chemises à carreaux te vont vraiment bien. Et, ah, merci. Et il y a peu de gens, en fait. Et même vu que tu es canadien, on pourrait même se dire c'est peut-être un peu cliché. Peut-être qu'il est... Enfin, tu vois, c'est comme si je mettais un béret, que je mettais une baguette sous mon aisselle. Mais de ton côté, je trouve que ça te va très, très, très bien. Et franchement, okay. Bravo. Ça ne va... Bon, ça va à beaucoup de gens, mais toi en particulier, ça te va vraiment très, très, très bien. Ah, c'est gentil. Il y a peut-être de l'idée hein, pour le béret et la baguette. Tu vois, à partir du moment où tu arrives à cacher les cheveux, il n'y a pas de solution, moi, que j'éliminerais d'office. Vraiment, juste comme ça, c'est, et ça te redonnerait une petite touche. Certains diraient même que ça pourrait te donner un peu de personnalité. Tu vois. On pourrait même croire que tu es un trou du cul. Mais on sait que c'est juste ta volonté que les gens se rassemblent. Et ça, waouh! Ouais. Sacrifier toute forme d'éthique. Ouais. Pour juste comme s'écraser comme tu le fais, c'est magnifique. OK. J'essaie de construire la maison d'un compliment, mais pour ça, il faut toujours se salir un peu, hein, comme dans tous les grands travaux. Ouais. Mais bon, enfin, t'as du trou du cul quand même, mais bon, bah, c'est pas grave. Oui. Ouais, non, non, mais t'inquiète. Voilà. C'est pas. C'est gentil. Ben, je suis content que tu le prennes pas mal. Parce que c'est vraiment. Alors... C'est juste. C'est une façon. C'est coloré. C'est une façon de parler. Oui. J'ai du trou du cul, façon... comme j'aurais pu dire. Genre. Genre connard, tu vois. Ça ouais, ouais, ouais, ouais. Non, mais bah, après, bon, voilà. C'est les mots ont un poids. Bon, t'es censé être auteur. Mais après, oui. C'est vrai que si t'étais un auteur avec du succès, peut-être tu saurais que les mots ont un poids et que parfois ça peut être un petit peu assassin. Mais. Parlant de poids, ton succès commence à être visible, non? Comment? Non, non, rien à voir. Non, c'était mais... juste. Ouais, merci Dan oui. En tout cas. Alors, bon, on peut te retrouver. T'as fait ta promo au début. On va peut-être pas le répéter. C'est... On s'en bat peut-être un. Enfin, bon. En deux mots, allez, peut-être. Vas-y, parce que, encore une fois, là, non, on non. a envie d'enterrer la hache de guerre. Donc, ce serait dommage de oui. pas le faire. Ben oui. Quel beau geste de ta part. Et si un jour, vraiment, on a pas d'idée du tout dans le podcast, on t'invitera aussi. Mais vraiment, tu sais. Ouais, si, bon, vous sentez pas obligé. A... Hein, ça me ferait chier de vous non, faire okay. de la pub quand même. Quand tu veux. Okay, vas-y. Bon, ben... J'avoue, j'ai pas fait que des bonnes choses, mais à part le sketch avec Justine Potier, qui elle est excellente, d'ailleurs Justine Potier, le reste de ce que j'ai fait est assez excellent, je dirais. Ouais, après, c'est quand même une vidéo qui a fait quelques millions de vues, qui a quand même plu aux gens. Ça... L'effet Golden Moustache, où tu mets n'importe quel réal et ça fonctionne, si les acteurs sont pas mal, mais oui, oui, oui, oui. Le succès, il est mathématique le succès, on peut pas nier ça. On quoi. Est quand même sur 2,7 millions de vues, voilà, donc calmos quand même, calmos. Moi, je veux bien entendre plein de choses, mais enfin, calmos. Okay. Super, Dan, merci beaucoup. En tout cas, sache que je ne mettrai aucune musique quand tu feras ta promo. Et bah, je te souhaite une excellente journée, un bon confinement. Et voilà, c'est la fin de ce Floodcast un peu chelou, forcément un peu particulier. En tout cas, moi je me suis bien amusé à le faire, j'espère qu'il vous a amusé aussi. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu participer, à savoir dans le désordre le plus total, Pierre Lapin, Clara Lesage, Julien Pagnac, Léopold Lemarchand, Natou, ma mère, Maxence Lapérouse, McFly et Dan Gagnon. C'était très marrant à faire en tout cas. Je sais pas s'il y en aura un autre la semaine prochaine. J'espère en tout cas qu'il y en aura un autre la semaine prochaine. Peut-être même avec Adrien, je l'espère de tout cœur en tout cas. De tout cœur en tout cas, c'est un truc un peu de beatbox, j'ai l'impression. Prenez soin de vous, faites attention. Je vais peut-être faire des lives un peu sur Twitch d'ici là. Je vais peut-être, je sais pas ce qu'on fera pour le prochain podcast en confinement. Est-ce qu'on ferait pas une FAQ? Est-ce qu'on ferait pas? Je sais pas. Si vous avez des idées, vous hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse en tout cas. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt. Bisous, ciao, bye. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Malgré tout, peut-être petit défaut, ça sonne aussi comme un slogan anti-immigration d'extrême droite. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez